بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم سندخل في الحديث 25. سكيم حديث après qu'on ait pris le hadith de Abu Dhar al-Ghifari sur la grandeur d'Allah عز وجل son royaume. الآن ما زلنا في حديث جديد وهو بنفس الراوي، c'est le même rapporteur. أبو ذر يقول أيضا رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم يتصدقون بفضول أموالهم. Donc que des gens parmi les compagnons du Nabi صلى الله عليه وسلم sont rendus auprès de lui et lui ont dit au message d'Allah, les gens aisés et riches font beaucoup de récompenses, car ils font un salat comme nous, et ils jeûnent comme nous, et en plus de cela, ils font aumône avec leur surplus d'argent. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. Donc il a dit, Allah ne vous a-t-il pas déjà accordé ce par quoi vous pouvez faire aumône également? Chaque tasbih est une sadaqa, et chaque takbir est une sadaqa, et chaque tahmid est une sadaqa, et chaque tahlil est une sadaqa. L'ordre du convenable est une sadaqa, et l'interdiction du blâmable est une sadaqa. Et dans les rapports conjugaux, yani dans le halal, sadaqa. قالوا يا رسول الله أي أتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Ils ont dit, ô message d'Allah, est-ce que le fait que l'un d'entre nous justement assouvisse ses besoins, c'est-à-dire dans leur rapport, il y a en cela une récompense? Il lui a dit, voyez-vous, si jamais il l'avait fait dans le haram, est-ce qu'il aurait eu un péché? Alors de la même manière, s'il le fait dans le halal, il aura une récompense. Abordé par Muslim. Naam. بعد الحديث بين كثرة طرق الخير وأن الله سبحانه وتعالى يسر طرق الخير لكل أحد يريد الخير الغني والفقير. Donc dans ce hadith, on voit qu'il y a beaucoup de voies qui permettent de faire du bien, et que cela n'est pas lié spécifiquement aux moyens financiers, et que le riche peut faire son bien à son niveau, et que le pauvre peut faire son bien à son niveau. Chacun, d'accord, chacun a sa part de bien à faire. كل بقدر استطاعته. Donc de là, les sahaba, justement, ont vu le fadl des gens aisés par rapport à eux, du fait qu'ils font les mêmes actes, sauf que eux en plus peuvent faire des aumônes qui ne leur sont pas à eux, yani qui leur sont pas accessibles. Ils peuvent tous faire pareil, hormis que dans les aumônes, eux peuvent dépenser alors qu'eux ne peuvent pas dépenser. Donc là, ce sont des actes badaniya, d'accord, qui montrent que le riche et le pauvre, ils sont égaux à ce moment-là. Dans le siyam, le riche ne peut rien faire de plus que le pauvre. Dans la salat, le riche ne peut rien faire de plus que le pauvre. Wa kada. La chose que, dans les arkan, par exemple, que le riche préfère que le pauvre ne pourrait pas faire, c'est payer la zakat. Masalan. Payer la zakat. Ou alors, faire le hajj. Kadhalik, faire le hajj. Et quoi qu'il en soit, ce sont des arkan qui sont liés au, qui sont, wad'iyya. C'est-à-dire que, celui qui ne peut pas les faire, la l'homme alayhi, celui qui n'a pas les moyens de payer la zakat, il n'y a pas de péché. tout comme on a expliqué qu'il lui est pas, il n'a pas été rendu obligatoire de faire les causes pour payer la zakat. Ça, c'est une chose. S'il a l'argent, il remplit les conditions pour payer la zakat. S'il ne peut pas, il n'a pas à se débattre pour payer la zakat. Ce n'est pas sur lui, ce n'est pas une obligation pour lui. Et le hajj, pareil. D'accord, c'est la même chose pour le hajj. Maintenant, tu as des gens qui veulent faire le hajj, donc ils font les causes pour y arriver. C'est un khay. Et s'ils ne le font pas, il n'y a pas de péché sur eux. D'accord, il n'y a pas de péché sur eux. Donc, tous ces actes cités là dans le hadith sont à la portée de tous. Et pour ceux qui ont les capacités physiques de pouvoir les accomplir, riches ou pauvres. Et kazalik, on voit que nous ne sommes pas égaux dans le risque. Comme encore le Ta'ala, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi risk. Que Allah a préféré certains à d'autres dans le risque. Allah a fait certains qui sont riches et certains qui sont pauvres. Comme encore le Ta'ala, Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijal nasibun maktasabu, walinsan nasibun maktasabna, wasalullah min fadali. Que personne ne doit convoiter ce que les autres possèdent. Ça veut dire pourquoi il l'attend et moi j'ai pas. C'est une chose qu'Allah lui a donné à lui et pas à toi. Allah fadlullah yu'ti man yasha. Et chacun sera rétribué en mesure de ce qu'il a accompli de ses moyens. Allah a rendu un tel riche, il sait pourquoi. Allah a rendu un tel pauvre, il sait pourquoi. Et le pauvre pourra se battre pour devenir riche, et Allah ne veut pas qu'il soit riche, il ne le sera pas. Tout comme le contraire. Le riche pourra, Tamanan peut avoir toutes ses richesses, car c'est une épreuve pour lui, autour de lui, Masalan. Il sait que les gens ne sont que des intéressés, personne ne l'aime pour lui-même, mais que pour son argent, Kazalik, il voit que cela amène à devoir tout le temps être mashroul par ça, les comptes, ou trouver un moyen de préserver ses biens, même sa vie. Même sa vie, car le riche est plus amené à se faire agresser qu'autrui pour ses biens. Donc tu as des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas en sécurité avec leurs biens. Ouah, Kaza. Donc peut-être qu'il y a des riches, peut-être qu'ils diraient, j'ai tout cet argent-là, et j'aurais aimé vivre comme un tel, une personne quelconque, une personne du commun, juste avoir de quoi remplir mes besoins, le reste, pas l'avoir. Et il est éprouvé par cela. Il est riche. D'accord, il est riche. Donc même s'il voudrait être pauvre, faire ce qu'il veut, s'il veut qu'il soit riche, il sera riche. Il pourra dépenser 10, le lendemain il aura 20. Il pourra dépenser 20, le lendemain il aura 40. Ah, Kaza. Non. كما نقول في نقول في الأحاديث في الأذكار عفوا بعد الصلوات لا اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا أنفع منك ذا الجلد الجد. Que Allah, personne ne peut donner ce que tu auras privé, personne ne peut priver ce que tu as donné, et que celui qui a un haut rang du bien, son rang ne lui sert à rien devant toi. Cela ne sert à rien devant toi. وهذا من فضل الله تعالى. Il donne de ses grâces à qui il veut. Mais ses grâces, parfois, comme on expliquait, peuvent être un petit lait pour la personne, pas forcément un bien. من هنا نعلم مثلا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب 500 عام. Par exemple, les pauvres rentrent plus tôt que les riches au Jannah, de 500 ans. Donc c'est un tarfif pour eux. Car le riche sera occupé à rendre des comptes par rapport à l'argent qu'il a obtenu. Comment il l'a eu, comment il l'a dépensé, ou à kaza. Et de là même, il y avait une mas'ala qui avait été donnée entre les ulama qui est man al-afdal, al-faqir, al-sabir, ou al-ghani, al-shakir. Qui est le meilleur des deux entre le pauvre qui patiente et le riche qui est reconnaissant. On sait bien. Après, fil haqiqa, tu vois, kama zakar la shaykh al-islam, kullu bihasb. On ne peut pas vraiment définir que tel groupe est meilleur que tel groupe. C'est dans chacun, on voit par rapport à l'individu. Tu auras un riche, Shakir, qui sera meilleur que bien des pauvres, Sabirin. Ou Al-Kadhalik, tu auras des pauvres, Sabirun, bien meilleur que des riches, Yani, Shakirun. Ou Al-Kadha. Dans les deux, tu vois, ça fait contrepoids quand tu regardes bien. Après, tu en as, la maslaha, elle est là, et d'autres, la maslaha, elle est là. Il y a des gens, Allah, ils voient que pour eux, la pauvreté, c'est Anfar pour eux. Peut-être qu'ils servent l'argent, c'est Takabbar Barden. Ou des gens, ils voient que s'ils sont riches, ils deviendraient pauvres, ils ne patienteraient pas. Ça, on ne peut pas savoir. Quoi qu'il en soit, Kullu, Yani, il se contente et il agrée ce que Allah lui a Qaddar. ce qui lui est prédestiné, le mode de vie qu'il a. Taïb. وكذلك là on voit le faute des sahaba du fait qu'ils n'ont pas préféré les riches pour le confort qu'ils auraient. Mais pourquoi? Le fait qu'ils fassent des aumônes avec leur argent. Ça veut dire leur envie de ces biens, ce n'est pas pour avoir un meilleur mode de vie pour eux, plus de confort, c'est pour faire aumône. C'est-à-dire leur cause avec ça, c'est faire du hajj, lillahi azza wa jal. C'est ça qu'ils disent. Yasumun kama nasum, yusallun kama nusalli, wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim. Ils n'ont pas dit yakulun wa yashba'un wa yusafirun, voilà. Ils ont dit ils font aumône avec le surplus d'argent qu'ils ont. Donc nous aussi, là, on va faire la même chose. Là, c'est que côté ibadah. Là, on voit le fort des sahaba par rapport à ça. J'envie le riche, pourquoi? Car il fait aumône, et moi, je ne peux pas faire cet aumône-là. Déjà, fait hadith ibn Mas'ud, quand le nama, lamma nazalat ayat al-sadaqa, kunna nahmilu ala zuhurina, on est en sadaqa. C'est-à-dire, ils allaient travailler, ils portaient les choses sur leur dos pour avoir un salaire, et après donner un aumône. Donner un aumône. Wa akada. Donc là, on voit le fadl de ces gens-là. Ah, mais aujourd'hui, on veut être riche. Pourquoi? Bah, comment l'expliquer? Pour être sur une situation plus confortable. Et ce n'est pas forcément à notre avantage. Ce n'est pas forcément à notre avantage. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas forcément ce qui sera de plus profitable pour nous en religion. Donc, faire l'aumône, c'est un khayr. D'accord? C'est une chose à laquelle la religion en incite. Comme a dit Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أو vous qui avez cru dépensez de ce que nous avons octroyé وأنفقوا كما جعلكم مستخلفين فيه, c'est-à-dire dépensez dans ce que Allah vous a rendu comment dirais-je مستخلفين فيه. À la base مستخلف, celui qui a reçu une autorité sur une chose, mais là il fait allusion aux gens qui ont reçu des biens en abondance. D'accord, donc du remerciement, remercier Allah عز وجل de ce qu'il t'a donné. Que dois ce que tu en surplus, tu donnes aux autres. Justement, à ceux-là qui aimeraient faire comme toi. Aide-les. Ta'aouna rabbi wa taqwa. Donne-leur du surplus de l'argent que tu as, qu'ils fassent eux-mêmes du khayr. Wa akada. Il s'est revu en hadith qu'on avait pris de Anas ibn Malik. La yu'min ahadukum. Même hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Que aucun d'entre vous ne croit véritablement, tant qu'il n'aime pas son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Donc ça, c'est parmi les choux que du Rani, c'est qu'il est à saddaq, à l'al-fakir. Yani, cet argent qu'elle a lui donné, il le place dans le voie du bien. Naam. Donc, hada, c'est les deux choses que l'on peut avoir envie fiat de dunya. Al-ilm al-nafi' ou al-mal al-ladhi yunfaq fi subul al-khayr. D'accord? La science profitable et l'argent qui est dépensé sur le bien. Qui est dépensé sur le bien. Donc après ça, quand ils ont fait leur remarque au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala lahum, awalaysa qad jarallahu lakum ma tasaddaquna, c'est-à-dire que Allah ne nous a-t-il pas déjà accordé ce avec quoi justement à votre niveau vous pouvez faire au moins vous aussi. Inna bi kulli tasbihatin sadaqa, dans chaque tasbiha, c'est-à-dire subhanallah, c'est une sadaqa qui est faite. Wa kull takbira sadaqa, dans chaque parole tu dis Allahu akbar, c'est une sadaqa qui est faite. وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ, le fait de dire Alhamdulillah, c'est sadaqa. On avait pris quoi auparavant dans le hadith de Abu al-Harith al-Ash'ari, أَنَّ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَ آنِي وَتَمْلَ مَا بِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, c'est-à-dire c'est le sadaqa et en plus ça remplit ce qui est entre les cieux et la terre. Donc il n'y a que du khayr dedans, les askar ne sont pas négligés. وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ, le fait de dire La ilaha illallah, c'est une sadaqa. Et ce sont des paroles que Allah il aime, Azza wa Jal. يعني كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم ثقيلتان في الميزان, نعم عفوا استغفر الله, ثقيلتان في الميزان, تمام, de paroles légères sur la langue et aimées du Rahman et l'autre sur la balance. Le fait de dire justement subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, qui rend dans le tasbih. ثم قال وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه. L'ordre du convenable est une sadaqa et l'interdiction du blâmable est une sadaqa. Et ça, le hadith va venir par la suite, inshallah, de Boussad al-Khudri fi Az al-Janib. Par rapport au sujet de Al-Amr bin Ma'ruf ou Nahy al-Munkar. Et à la base, c'est une chose qui nous a été rendue obligatoire. Comme a dit le Ta'ala, Kuntum khayran ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Car aujourd'hui, les gens ne le font plus. C'est une chose qui était perdue. D'accord ? Les gens aujourd'hui ont pris pour, malheureusement, pour un mode de vie de dire je fais ma vie, j'embête personne, je suis dans mon coin. On dit le musulman, il est plus haut que cela. Ça, ça rentre dans le mode de vie du musulman. Quoi qu'il en soit, le fait de faire l'amr bil ma'ruf, c'est un djihad. Car si on n'empêche pas le mal, il va se propager. Et si on n'appelle pas au bien, il ne se propagera pas non plus. Et cette personne qui dit « je suis dans mon coin et je n'embête personne », tu vois, il dit « pourquoi tu n'embêtes personne ?» Il dit « c'est pas bien ». Il dit « comment tu le sais que c'est pas bien ?» C'est ce qu'on te l'a dit. Donc, tu as eu un « amr bil ma'ruf » et un « nahy an munkar ». Donc, comme toi tu l'as eu, ben, d'autres ne le savent pas peut-être. Il va faire une chose qui est un mal pour les gens, il ne le sait pas lui. Dis-lui. Parce qu'il est ignorant, déjà, il ne sait pas. Il fait telle chose qui nuit aux gens, qui est un mal, il ne le sait pas. Dis-lui. L'autre, c'est un kafir. Appelle-le à l'islam. L'autre, il fait des bid'a. Appelle-le à la sunna. Voilà, kaza. Et chacun son niveau. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khair al-jihad, kalimat haq inda sultan jair. Le meilleur des jihad, c'est le fait de dire la vérité devant une personne qui a l'autorité. Personne importante. Parce que tu sais que la personne, elle pourrait te faire quelque chose par la suite. Et toi, tu dis quand même la vérité à ce moment-là. Donc, ça ne mène pas à plus grand mal. Donc, c'est un maqam qui est azim. C'est un maqam qui est azim. Et en plus, comme dans le hadith, ça va venir par la suite, que le niveau le plus bas de la foi, c'est de faire l'inkar dans son cœur. Donc, l'inkar, tu es obligé de le faire, quoi qu'il en soit. Ne serait-ce que dans ton cœur. Et le shir, par rapport à ça, il dit justement, l'inkar, yaqul, لا أحد يعجز عن الإنكار بالقلب فإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تعتزل أهل المنكر ومواطن المنكر وتبتعد عنها فلا تجلس فيها وتشارك فيها في منكرها أو منكرها وتقول أنا منكر بقلبي هذا لا يكفي. Il dit tout le monde est en mesure justement de pouvoir faire un blâme dans son cœur, mais blâmer dans son cœur, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que tu t'éloignes de ce mal. Tous les lieux où il y a ces choses que tu blâmes, tu n'y restes pas, tu ne participes pas. D'accord? Tu n'es pas présent. Car il ne suffit pas de dire, moi je blâme dans mon cœur, et tu restes. Tu es dans un lieu, par exemple, il y a du monde qui a, tu as de la musique. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je blâme dans mon cœur. Bah, sors. Si tu restes, c'est que ce n'est pas si blâmable que ça. Tu vois, je parle dans le cas où quelqu'un il peut sortir. Je blâme dans mon cœur. On dit, ah là, ça suffit pas. Et ça revient au premier hadith qu'on avait pris, c'est dans ton cœur, ça retransmet à travers tes actes. Donc, à ce moment-là, t'es là, tu pars. Donc, l'inkar bil qalb est resté comme ça, inerte et stoïque, ça correspond pas, ça coordonne pas. Les gens vont dire, c'est pas normal. Et quand ça, il dit, yaqul, bal labud an tabta'id 'an al-munkar wa ahlihi, wa la tukhalid ahl al-munkar, ila idha kunta tastati' al-islah. Donc il a dit justement qu'il était obligatoire de t'éloigner du blâme, du blâmable et de ces gens. Tu ne te mélanges pas à eux. Et tu ne participes pas à ce monde car. Sauf si tu es en mesure de le changer. Tu peux le changer à ce moment-là. Par exemple, il est conseillé à des gens qui sont en mesure de faire un siha. Si demain il y a un mariage, des noces, et il y a des choses au monde cara. Par exemple, il y a de la mixité, il y a de la musique, il filme avec des caméras, ou même il y a de l'alcool. Et si lui il vient et qu'il parle, qu'il aura effet sur les gens, lui, il peut y aller. Mais le but, c'est pas de participer à la noce, c'est d'aller conseiller les gens. Il vient à ce moment-là. Il est même permis d'aller voir tout ce qui est marabout et médium sorcier pour celui qui a envie de les dévoiler, qu'il y aille. Alors qu'à la base, le simple fait d'aller chez eux, d'accord, et de les interroger, fait que ta salade, pendant 40 jours, elle n'est pas acceptée. Et si tu les crois, t'as mécru. Kafartat bi'unzila ala Muhammad. Et celui qui est en mesure, justement, de dévoiler aux gens le mensonge de ces gens-là, lui, il peut y aller. Il leur pose des questions, il les met dans la bara, et il montre aux gens, regardez. Il connaît l'avenir, regardez, masalam, telle et telle chose. Wa'akada. Donc après, le inkar munkar, il a ses règles. Il a ses règles, il a ses gens. Des choses qui sont à la portée de certains, et d'autres qui sont à la portée de tous, comme inkar dans le cœur, et en sortant des lieux du mal, en évitant les gens du mal. Donc il a dit justement, préserve ta personne. Kazalik. Préserve ta personne. Car tu n'es pas à l'abri que, à l'abri de demain, tu fais munkar dans ton cœur, après tu changes. Au fur et à mesure, ton cœur s'accommode, s'habitue, et ça finit par, au début, c'est tu participes pas, après c'est je suis là, mais bon, je regarde de loin, après, hop, un jour, tu te mets à participer toi aussi. Ton cœur s'habitue. Ça devient normal pour toi. Wali azbillah. Soumakorala, wafi boudri. Ahadikum, sadaqa. C'est-à-dire dans les rapports intimes, c'est-à-dire conjugaux, dans les rapports avec sa femme, ou quoi, c'est une sadaqa. Donc là, c'est une bouchra azim hein, qui montre justement que le muslim, même dans les actes yani, communs qui sont pour tous à la base, si min niyah, il a de la récompense. En mangeant, on avait expliqué, si met une niyah de se renforcer pour Allah Azza wa Jal, il est récompensé. En buvant, en dormant, en toutes choses, et même dans les rapports conjugaux. Car en premier lieu, l'imazat azawajta, tu t'es marié pourquoi? Pour te préserver dans ta religion. Allah, il t'a pas interdit d'avoir des rapports, il t'a interdit d'avoir des rapports dans le haram. On a été créé justement pour s'accoupler. Allah, il a créé Adam, il a créé de Adam, il a créé Hawa. Pourquoi? Pour qu'il cohabite avec elle. Donc on a été justement créé pour cela, et tout cela est en nous, même notre physique, c'est là pour ça. Mais on l'utilise dans ce que Allah Azzawajal a décrété comme loi. D'accord? C'est-à-dire dans le mariage, halal. Comme Allah Ta'ala, Nisa'ukum harsum lakum fa'atu harsakum aina shi'tum. Votre vos femmes sont comme un champ de labour pour vous, alors labourez comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Et, bifadlillah ta'ala, en islam, l'homme a droit à 4 épouses. S'il veut, tout comme s'il avait des esclaves, femmes, qu'il leur donne avoir des rapports avec elles. Kazalik. On va dire que tout est là justement pour que l'homme puisse assouvir justement ses besoins dans le halal. Mais avec des lois. D'accord? S'il a plusieurs femmes, il est adl entre elles, il est juste. Quand elle est juste. Thumma, les sahaba, ils ont été étonnés de cette parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqalu, ayati haduna shahwatahu, wa yakunu lahu fiha ajrun, qala, araytum law wada'a fil haram, akana ali fiha wizrun, fakazalika iza wada'a fil halal, kana lahu ajrun. Donc ils ont dit que l'un d'entre nous ait des rapports, il a assouvi ses besoins, plutôt ses envies, et n'en tire de la récompense. Il a dit, voyez-vous, si jamais il avait fait ça dans le haram, est-ce qu'il aurait un péché? Non, celui qui fait zina. Il tombe dans le haram. Même il mérite la peine de mort ou la flagellation. Ça dépend de sa situation. Donc il a dit, de même sorte que s'il le fait dans le halal, il aura une récompense. Après, des ulama, ils ont divergé. Il y en a qui disent que le simple fait d'avoir des rapports avec ta femme, t'es récompensé. Mais ce qui apparaît, c'est qu'il faut avoir une niya. Au moment où tu l'as fait, une niya de faire du halal. Comme pour toute chose, comme on a dit tout à l'heure, par rapport à la nourriture, le nom, tout ça, même innamal amal bin niyat. Que cette récompense que tu l'auras, tu peux l'obtenir en ayant une niya. Tu fais cela pour plaire à Allah Azza wa Jal. Je crois que c'est un peu ce talgir du shir, il le dit également à la fin. قال وفيه أن العادة مع النية الصالحة تتحول إلى عبادة. Il dit cela montre que les choses communes à la base, lorsqu'on y met une intention pieuse, elles deviennent des adorations. Et ça, c'est pas seulement, ça se limite pas seulement à ce bab-là, mais c'est un bab qui est assez jiddan. Dans plein de choses. D'accord? Dans plein de choses. Si tu mets niya, ton acte commun devient ibadah. Ton acte commun devient ibadah. Ouah, kaza. C'est pour ça que le musulman, il a constante adoration, même si ça ne se voit pas. S'il met une bonne niya, dans tout ce qu'il fait, chaque jour, il peut avoir du ajr azim. Regardez, déjà aujourd'hui dans le hadith, on a vu qu'on peut avoir des sadaqas sans argent. Sadaqas sans argent. Comment? Par le tasbih, par le tahlil, par le tahmid, par le takbir, par le amr bil ma'ruf, wal nahy anil munkar. Et même dans les rapports avec nos familles. Voilà. طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث ثم ندخل في الحديث السادس والعشرين 26e حديث en tout cas tirer leçon du hadith précédent que طرق الخير كثيرة جدا il y a beaucoup beaucoup beaucoup de façons de pouvoir faire de la récompense à ne pas négliger comme a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم لا تحقرن شيئا من معروف ولو أن تلقى أخاك بوجه ترقين ne néglige rien de bien, comme bien que tu puisses faire, ne serait-ce que ton faire avec un visage épanoui. Ne serait-ce que cela. Comme dans le hadith, ça va arriver maintenant, là, qu'on va prendre, Inch'Allah. Yaqul, à Nabi Hurayra, radiallahu anhu, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل سلامة من الناس علي صدقة, كل يوم تطلع فيه الشمس, تعدل بين اثنين صدقة, وتعين الرجل في دابته, فتحمله عليها, أو ترفع له عليها, متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه صنع أبو هريرة رضي الله عنه que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit que chaque articulation des gens ont une aumône à faire chaque jour dans lequel le soleil se lève que tu réconcilies entre deux cela est une sadaqa que tu aides l'homme sur sa monture, c'est-à-dire tu le portes sur sa monture ou tu le portes ses affaires sur sa monture, cela est une sadaqa. La bonne parole est une sadaqa. Chaque pas que tu fais pour aller au masjid, à la salat, c'est une sadaqa. Et que tu ôtes les obstacles du lieu de passage, cela est une sadaqa. Ça se lit au hadith précédent. كذلك فيه بيان طرق الخير تمام أنها كثيرة. Les moyens de faire du bien sont très nombreux. Donc dans le hadith, il dit « Kullu sulama min al-nas » La sulama, il veut dire quoi? Les articulations osseuses. D'accord? Que chacune a une aumône à faire chaque jour. Dans le hadith, comme dans le hadith d'Aïcha, « Yaqulu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil insan salasumya wa sittun mifsala » Que l'homme, l'être humain, il a 360 articulations. Une chose qui apparemment est confirmée par la médecine. Donc, comme le dit le Shir, qui donc, aujourd'hui, à part peut-être des gens riches, c'est ton moyen de faire 360 sadaqas avec ses biens. Peu y arriveraient. Et malgré cela, Azawajel t'a donné une façon de compenser cela. Par d'autres moyens, justement, qui t'amènent au même résultat business. Et ça, c'est une chose qui est quotidienne. Comme a dit, « Kullu yawmin tatla'u fihi al-shams » Donc, il dit, « Ta'dil bayna al-ithnayn sadaqa » Que tu concilies entre deux personnes, c'est une sadaqa, une aumône. C'est une aumône. Et ça, c'est une chose à laquelle notre religion nous incite, c'est l'ijtima'. D'ailleurs, c'est parmi les fondements de la religion, elle est ijtima, qu'on soit unis. Donc, s'il arrive à ce que, et c'est une chose qui est inévitable, qui est même arrivée chez les mères entre nous, qui sont les divergences et les conflits et les litiges, si cela arrive, d'accord, il nous revient de tenter de concilier autant que possible. D'accord? De faire une conciliation. Mais c'est même sulh, une conciliation. Une conciliation d'âme. Wa sulh fi dinina ja'iz bil ijma. Le fait de faire une conciliation, c'est une chose qui est unanimement reconnue comme étant légitime notre religion. Comme encore l'État Allah, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, et que la conciliation soit la meilleure. وَالصُّلْحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ, comme encore l'État Allah, et réconcilier entre vous. Tamam. Le shir est également comme adillah, لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ. فقال وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Qu'il n'y a aucun bien dans leur entretien privé, hormis ce qui appellerait à ordonner à une sadaqa, ou à faire un bien, ou à concilier entre les gens. Et celui qui fait cela, justement, en recherchant l'agrément d'Allah, nous donnerons une récompense qui est immense. Donc, concilier entre les gens, c'est une adoration qui est grande, qui apporte beaucoup de récompenses. Mais ça, il faut le faire comme il se doit. Il faut savoir le faire. Il faut avoir du tact en faisant cela. Car Kassir ibn al-Nas, ils veulent faire un islam entre les gens, et au final, ils amplifient le problème. Comme on dit, ils mettent de l'huile sur le feu. Ils veulent un tel s'est disputé avec un tel. Il veut ensuite concilier entre les deux. Et déjà, il faut que les deux parties soient, comment dirais-je, approuvent que tu puisses, que tu veuilles rentrer entre eux, d'une part. Sans quoi tu peux rentrer dans ce qui ne te concerne pas. D'accord ? Par exemple, tu as deux frères qui sont en conflit, toi tu veux réconcilier entre deux, et tu as un des frères, lui il n'est pas en bonne relation avec toi. Il ne t'aime pas forcément beaucoup. Ou il a des problèmes, il veut pas te raconter sa vie. Comme on dit. Parce que amener un soulh, ça amène à entendre qu'est-ce qui s'est passé. Et le frère va dire, un tel, lui, par exemple, j'ai pas envie qu'il se mêle de mon affaire. Un soulh, je suis pas contre, mais quelqu'un d'autre que lui, par exemple. Car si jamais tu rentres, eh ben, il va encore plus se renfournir. Il dit, non seulement je suis conflit avec un tel, et en plus, lui, je veux pas qu'il se mêle. C'est-à-dire, il dit, c'est mort. Il y aura pas de conciliation qui va se faire de cette façon-là. Et t'en as d'autres, malheureusement, ils sont maladroits. Ils veulent concilier. Et au final, ben, ils prennent parti. Tu vois, ils prennent parti avec un, ils se mettent contre l'autre. Par exemple. On dit, t'as pas concilié en faisant ça. Là, on parle dans une chose qui est conciliable. On parle pas d'une chose qui a un munkar fi din ou une bid'a ou ce genre de choses. Là, on parle d'une conciliation. D'accord? On parle pas d'un hukm. Concilier, c'est-à-dire arranger entre les deux. Donc, des gens, ils viennent. Et ils ramènent même deux personnes avec eux. Ça veut dire, au début, c'est le problème entre deux. Troisième, il rentre, ça finit entre 20. Parce que tu ramènes un tel témoigne, ou un tel te connaît depuis longtemps, il dit telle chose, et un tel, là, en fait, ça finit en conflit général. À cause de la maladresse de celui qui veut concilier. Donc, il y a des gens, ils ont le chic de faire cela. D'aimer concilier, mais ils sont très maladroits, ils se prennent très mal. Et ils agrandissent le cercle de la divergence. Et le sulh, ça amène aussi à un tanazul de babi hukuk. Une conciliation, ça amène à ce que toi, tu délaisses certaines choses qui sont un droit pour toi. T'es obligé. Si chacun veut ce qu'il a, miya bil miya, ça va finir en hukum, ça finira pas en sulh. Ça finira pas en sulh. T'es obligé de faire du mettre du tien et de fermer les yeux sur les choses. Tant que ça ne ramène pas un tahrim d'un halal ou un tahrim de haram, bien évidemment. Donc un sourd, un conflit entre un mari et sa femme, il faut des choses. On va dire, par exemple, telle femme réclame telle chose, et le mari, lui, réclame telle chose. On dira, si vous voulez qu'on conflit entre vous, vous obligez, il faut que l'un de vous descende un peu de ses demandes. Pour arriver à un niveau, tu vois, on va dire, approprié pour les deux. Mais si chacun reste rigide sur ce qu'il veut et strict, alors là, faut un qadha, faut un hukm. Dire, un tel il a raison, un tel il a tort, rends-le son haq, c'est fini. Tu vois. Et là, ça se fait souvent de façon, on va dire, autoritaire. C'est arrivé avec Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou Zubayr, qu'il avait un ruisseau qui coulait devant chez lui. Et un de ses voisins voulait utiliser de cette eau-là. Cette eau-là, elle appartenait à Shanan, c'était le droit de Zubayr. Et le voisin se plaignait que l'eau ne venait pas souvent. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Zubayr, il lui a dit, ce ruisseau-là, Salen, à telle heure, mesela, ferme-le pour que tu puisses en profiter toi, et à telle heure, ouvre-le pour que ton voisin en profite. Et le voisin s'est mis en colère. Il voulait plus, il n'était pas satisfait de la conciliation entre lui et Zobéir. Il a dit, tu dis cela parce que c'est ton cousin. Mais ça, il s'est mis en colère. Il a dit, l'eau, elle est à toi, Zobéir. Coupe, si tu veux couper, c'est à toi. Parce qu'il vient, il vient pour concilier, il fait un effort que la personne fasse un peu de tanazul, de son haq, pour que l'autre puisse en profiter, pour que tout le monde soit content. L'autre partie n'est pas satisfait de la chose. Alors qu'à la base, il n'a pas de droit dedans. C'est pas son droit. Et malgré cela, il conteste. Et bien, de l'un Nabi Sallam, il a donné le hukm. Il a fait un jugement que c'était pour Zubayr, l'autre. Waqad. Donc, différencier entre un hukm et un sulh. Et souvent, les gens qui sont amenés à bien à mieux faire un sulh, ce sont les uqala, les hukama. Ils connaissent bien les personnes. Ils connaissent bien un tel, ils connaissent bien un tel. Ce sont quelqu'un en qui les gens ont confiance. Ouais. Je dis pas de lui qu'il a une bonne niya, qu'il veut faire du khayr. On a déjà vu de lui auparavant qu'il a fait du khayr. Il a déjà conseillé entre plusieurs personnes. وهكذا ثم يقول وتعين رجل في دابته وعليكم السلام que tu aides l'homme sur sa monture في مركوبه سواء كانت دابة أو سيارة تعينه إذا كان عاجزا أو ضعيفا فتحمله أو ترفعه عليها. Donc il a dit, dans son moyen de locomotion, d'accord, même si c'est une voiture, ça rentre dans le même chemin. Il a une voiture, il a des bagages à porter, c'est lourd pour lui, il a du mal, tu l'aides, tu portes pour lui. Tant que ce n'est pas non plus des choses qui sont haram. Tu as des gens, par exemple, ils ont des magasins, ils ont des produits, ils chargent leur fourgonnette, tu vois qu'il y a de l'alcool, tu vois qu'il y a des cigarettes, tu vois qu'il y a des choses haram, tu ne l'aides pas à lui. Il a chèque. Mais elle, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Adam et Adjouz, tu vends cela. Et lui, à ce moment-là, tu ne peux pas l'aider. Tu l'aides, mil ma'rouf, dans ce qui est raisonnable, dans ce qui est convenable. Et dans le hadith qui viendra par la suite, Wallahu fi a'un al-abd, ma kana al-abd fi a'un akhi. Que Allah est justement de cesse d'aider le serviteur, tant que le serviteur est son frère. Donc, tu veux recevoir de Allah Azzawajal, donne aux autres. Ada, ça va ensemble. Tu trouveras d'Allah ce que les gens peuvent trouver en toi. Ce n'est pas au même niveau, mais dans le sens que ta cause pour que Allah t'apporte, c'est que toi-même, tu sois une cause de bien pour les autres. Adam il Asbab. C'est parmi les Asbab. Recevoir le nom d'Allah Azzawajal. On avait dit, ta'araf Allah fi raha, yari fuka fi shidda. Reconnais Allah dans l'aisance quand tout va bien. Donc fais du khayr. Aide les gens tant que tu peux. Et au moment où tu ressens dans le besoin, Allah va t'apporter le secours. Pour les actes que tu auras fait auparavant. Soma yakoul, wa kelimatu tayyiba, la bonne parole. Yakoul, misl ifsha al-salam, wa du'a al-yakhik, wa sana alayhi. Min ghayri itra. Bima yutayyibu khatirahu. كل هذا من الكلام الطيب والكلام الطيب يكون بين العبد وبين ربه بذكر الله وتسبيح وتحليل ويكون بين العبد والناس وكي دي maintenant le fait de dire une bonne parole comme par exemple par ce salam c'est une cause qui donne l'amour entre les gens comme c'est dans des hadiths de passer salam à son frère de faire son éloge sans exagérer non plus et sans dire ce qui n'est pas en lui d'accord que tu mettes de la guidée dans ton frère en disant des bonnes paroles. Tout cela, ça rentre dans les bonnes paroles. Et ce sont les bonnes paroles qui entre le serviteur et les gens. Entre les musulmans entre eux. D'accord? Un frère te dit quelque chose, tu dis Abshir, Inch'Allah, qu'il soit content. Réjouis-toi, Inch'Allah, quand je pourrai. Kaza et kaza. Quand il a un projet, tant que ça amène un bien, encourage-le. D'accord? Incite-le à faire la chose en bien. Une parole agréable. Et il est également, comme un yakoul, le kalam qui est entre le serviteur et son seigneur, la bonne parole, comme les askar, le tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tout cela, le dua, d'accord, tout cela, ce sont des paroles que Allah Azza wa Jalla aime. يقول سبحانه وتعالى وليسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه السلام عليكم ورحمة الله وكذا. ويقول سبحانه وتعالى كور معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى كن بن بارول يا باردون سولا بلوس سولا ميور كو بلوتو فار اون صدقة كي هي سويفي دان مال. دونك إلا بيان دي كور معروف ومغفرة بن بارول لو فات دو باردوني أو جون. ويقول سبحانه وتعالى وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن يجي من سيرفيتور دو بارلي دو لا ميور فاسون tant que tu peux employer les termes corrects et agréables, fais-le. Après, un tabachar, t'as des moments de colère, ou akada, ou des fois t'es dans ton droit, t'es lésé, comme encore le ta'ala, la yuhibullahu al-jahr bisoub nil kol illa man zolim, que Allah n'aime pas qu'on le profane de mauvaises paroles à part ceux qui auraient été lésés. On lui a mal parlé, il a répondu comme on lui a parlé, la salam. Alors, il a le droit, à ce moment-là. Il a le droit. Et on a plein de affaires de salaf, sur lesquels ils ont des paroles dures envers les opposants. Genre de la bid'a, genre des ahwa, genre des passions. Et yurtabara hadha min ajihad. Quand c'est pour la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Contrairement à la mauvaise parole, qui elle peut amener à beaucoup de mal. Al-namima, al-riba. Ça peut même amener à des causes de guerre entre les gens. Un kalem. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayyin al-sikhra. Que dans l'éloquence, c'est la sorcellerie. والنمام يفعل في الساعة ما لا يفعله الساحر في أيام وأكثر. كل نمام وكالومنيور peut faire en une heure ce qu'un sorcier n'arrive pas à faire en temps plus long. Avec son calme, il y a un tel qui a dit telle chose, un tel a dit telle chose. Par exemple. Ou يقول وبكل خطوة تمشيها للصلاة صدقة. Chaque pas que tu fais vers la salat, tu صدقة. Ce qui est une chose qui incite à faire la salat en jama'a. On a déjà fait un hadith, كذلك, أن كل خطوة تخطوها إلى الجماعة وتولد الصلاة يرفع الله بك درجة ويخطو عنك خطيئة. Que Allah t'élève de degré à chaque pas que tu fais et t'enlève un péché à chaque pas que tu fais. On a déjà fait un hadith عن هذا الرجل قال كان أبعد الناس عن المسجد. فقال له وكان لا تفوت الصلاة. Il habitait le plus loin. C'était l'homme qui habitait le plus loin du masjid. Il n'a raté aucune salat. وقال له لو اشتريت حمارا تركبه للصلاة. Si jamais tu achetais un âne pour pouvoir venir à la salat. Il a dit لا أحب أن يكون بيتي أقرب للمسجد. Je ne voudrais pas que ma maison soit proche du masjid. فإني أحب أن تكتب كل خطوة أمشي لها للصلاة إذا ذهبت وكل خطوة إذا رجعت إلى أهلي. Que je veux que chaque de mes pas soit inscrit quand je vais à la salat et quand je reviens. Qu'un ayartasib al-ajr. Il y avait aussi dans le hadith de Nasti Sahabi, Anna Bani Salima, Aradouni Takarabou al-Masjid. Fakal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ta'akada indahum, Bala'ani anakum aradouni Takarabou al-Masjid. Kalou nam, kod arana zalika. Fakal Bani Salima, Diyarakum tuktab atharukum, Diyarakum tuktab atharukum. Lorsqu'il a entendu que les Bani Salima, qui étaient des tribus, des Ansar, qui habitaient un peu éloignés du masjid, il a su qu'il voulait s'approcher du masjid. Donc il est parti s'assurer de l'information auprès d'eux. Ils ont confirmé. Il a dit que sachez que de vos demeures au masjid, vos pas sont comptés comme des récompenses. Il leur a dit deux fois. Après, ça, c'est une situation qui est kazalik relative. Il y a des gens. Il faut bien qu'il soit proche, car s'il est loin, il ne va pas venir. Et ils savaient de eux qu'ils pouvaient supporter que c'était meilleur pour eux. Il y a plus de âge. Et il y en a d'autres, il vaut mieux qu'ils se rapprochent. Il vaut mieux qu'ils se rapprochent. À la colline, chaque pas que tu fais pour aller au masjid, si tartasib, elle âge, tu cherches la récompense, c'est une sadaqa, d'une part, on t'élève en degré, d'autre part, et ça t'efface un péché également. Il n'y a que du khayl derrière. Il n'y a que du khayl derrière. Thumma qal wa tumitu al-adha 'an at-tariq. Que tu enlèves les obstacles du lieu de passage. Yani tuzilu ma yu'zi al-marra. Que tu enlèves tout ce qui nuit aux gens, aux piétons. Et même aux automobilistes. Tu es sur une route, tu vois une pierre au milieu de la rue. Tu t'arrêtes, tu l'enlèves. Une chose qui peut crever un pneu. Tu t'arrêtes, tu l'enlèves. une chose qui pourrait causer un accident grave. Tu t'arrêtes, tu l'enlèves. Voilà, un obstacle. Que ce soit moto, que ce soit camion, que ce soit voiture, que ce soit qui empêche les gens de passer, tu l'enlèves. C'est une sadaqa. Et dans le hadith de Shu'ab al-Iman, c'est le niveau le plus bas de la foi. Al-A'la qul la ilaha illallah. Tamam? Le plus haut, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Al-Haya, Shu'ab al-Iman, la pudeur est une branche de la foi. Wa adnaha imatatul adha 'an at-tariq. Et le niveau le plus bas, c'est d'enlever les choses qui gênaient le passage. Donc le chef par la suite, dans le livre lui-même, le dit, il fait le blâme de ceux qui eux-mêmes jettent les choses dans la rue. Jettent leurs poubelles dans la rue. Jettent les choses qui sont nuisibles dans la rue. Choses dangereuses dans la rue. Wa kaza. Lui prend le péché. Il prend le péché en faisant cela. Il prend une canette, il boit, il la jette dans la rue. La salaine. Il boit une bouteille d'eau, là, les petites bouteilles d'eau en plastique, il boit, il la jette dans la rue. Et t'en as, ça a dit, la poubelle, elle est là, il jette dans la rue. La poubelle est devant, il jette dans la rue. Et le chir, il dit que si jamais cela est préjudiciable pour les gens, ce que tu as jeté dans la rue, ils font droit contre toi, le stagiaire va aller. Quand t'as un vol, ils vont dans cela. T'as un vol, ils vont dans cela. Et dans un autre hadith, pour finir, de Abu Huraira, à la fois de Aïcha, par rapport au sadaqat, il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Wa yujzi an dhalika rakatan tarka'ahuma min ad-duha. » Il a dit une chose qui compense tout ce qu'on a dit auparavant, qui est le fait de faire deux rakat ou duha. Ça équivaut à la sadaqa pour toutes tes articulations. Rakatan min ad-duha. Qui commence à partir du chulouk, que le soleil s'est un peu élevé, jusqu'à avant zénith. De la 4 que tu fais. Pour montrer que, avec des actes khafifs, tu peux avoir un âge qui est arzim. Wa akada. Non. Wa alaykoum salam. Khalas. C'est la fin de la vie d'Aliyoum. C'est la fin de la vie d'Aliyoum, Inch'Allah.